Si seulement une étoile pouvait nous guider, après une longue absence qui a tout ruiné. L'amour d'un père, d'une mère est plus qu'un repère. L'amour d'un père, si seulement une étoile pouvait nous guider, après une longue absence qui a tout ruiné. L'amour d'un père, d'une mère est plus qu'un repère. Seulement